Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau questionnaire, cette fois dédié à la Méditerranée. Donc qui va comprendre l'Espagne, le Portugal, même si c'est pas vraiment la Méditerranée, mais vu que c'est collé on le prend avec, l'Italie, la Grèce, la Macédoine et la petite île de Malte. Donc nous allons commencer dès maintenant avec la première question. Quel célèbre philosophe grec est réputé alors qu'il n'a jamais écrit de livre? Donc en réponse A, Platon, réponse B, Socrate, ou réponse C, Aristote. Question 2. Laquelle de ces trois villes espagnoles est la plus peuplée? Donc réponse A, Bilbao. Réponse B, Barcelone. Ou réponse C, la capitale, Madrid. Question 3. Dans quel pays est née la célèbre chanteuse Lio? Réponse A, le Portugal. Réponse B, en Grèce. Ou réponse C, en Italie. Question 4. Lequel de ces pays possède des temples très anciens? Réponse A, l'Espagne. Réponse B, la Macédoine. Ou réponse C, Malte. Question 5. Lequel de ces personnages est réputé pour être né en Macédoine? Réponse A, Spartacus, qui ne vient pas de Grèce en plus. Réponse B, Hercule. Ou réponse C, Alexandre le Grand. Question 6. Laquelle de ces actrices italiennes a joué dans une série en grande partie française? Réponse A, Luisa Ranieri. Réponse B, Mathilda Lutz. Ou réponse C, Violante Placido. Question 7. Quel monument grec a inspiré des fameux monuments européens? Donc réponse A, le théâtre antique d'Épidore. Réponse B, Parthénon. Ou réponse C, le site archéologique de Knossos. Question 8. Lequel de ces personnages de dessin animé est espagnol? Réponse A, Dora l'exploratrice. Réponse B, Corto Maltese. Ou réponse C, Esteban de la Cité d'Or. Question 9. Lequel de ces alcools porte aussi le nom d'une ville portugaise? Réponse A, Braga. Réponse B, Porto. Ou réponse C, Gaia. Question 10. Lequel de ces pays possède un dragon sur son drapeau? Réponse A, la Macédoine. Réponse B, l'Espagne. Ou réponse C, Malte. Question 11. Lequel de ces pays nous fait penser à de la nourriture, mais vraiment au sens propre? Réponse A, l'Espagne. Réponse B, la Macédoine. Ou réponse C, l'Italie. Question 12. Quelle pizza italienne fait honneur à une reine d'Italie? Réponse A, la Margherita. Réponse B, la Savoyarde. Ou réponse C, la Regina, qui signifie reine. Question 13. Quels sont les noms des alliances affrontant à la guerre du Péloponnèse? Réponse A, Sparte et Athènes. Réponse B, Arès et Athéna. Ou réponse C, Délos et Péloponnèse. Question 14. Quelle actrice franco-espagnole née à Barcelone a joué dans de bons films tels Pirates des Caraïbes? Réponse A, Penélope Cruz. Réponse B, Astrid Berger Frisbee. Ou réponse B, Monica. Question 15. Lequel de ces célèbres explorateurs est portugais? Réponse A, Magellan. Réponse B, Christophe Colomb. Ou réponse C, Marco Polo. Question 16. Quelle est la capitale de Malte? Réponse A, Mostar. Réponse B, Zadar. Ou réponse C, La Valette. Question 17. Quelle est la monnaie de la Macédoine? Réponse A, le franc macédonien. Réponse B, le denar. Ou réponse C, l'euro. Question 18. Lequel de ces canards est italien? Réponse A, Calimero. Réponse B, Donald Duck. Ou réponse C, le vilain petit canard. Question 19. Quelles sont les deux langues officielles de Malte? Réponse A, le maltais et le français. Réponse B, le maltais et le grec. Réponse C, le maltais et l'anglais. Question 20. Lequel de ces personnages de Marvel Comics est grec? Réponse A, Electra Nachios. Réponse B, M. Pass. Réponse C, L. Aguila.